Seigneur, parle, soldat du roi des rois. Tu lèves une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyons fermes et forts, redoublons de courage. S'il redouble d'efforts, debout pour la bataille. Regardons à Jésus, de l'âme invincible, soldat, revêtons-nous le triomphe possible pour qui lutte à genoux. Encore, luttons jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Au pied du roi des rois, bientôt j'éteins nos âmes. Ferme ton bras. met dans notre armure et souffrons avec cœur de plainte et de murmure, sachant garder nos cœurs. Son thème et dans le mauvais jour, le chrétien reste faible dans la foi, dans l'amour. Revêtons notre armure et mourons avec si la bataille est sûre, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Fidèle, Seigneur, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Psaume 93. On va pas discuter. Est-ce que je vais aller? Psaume 93. Psaume 93. Oui, 193. Allons 194. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Et c'est l'ancien qui s'avance obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. En attaque, il me défend. Dans la route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve, quand se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peur. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise à mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance, toute puissance est à toi. Soutiens à ma faible foi, ma victoire c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Toute puissance est à toi. Souviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. 195. Qu'il me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qu'il combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je fais à mon Père et ma voile, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, belle demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas le jour où je me réjouirai, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demain. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière éclaira les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants de bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au Saint-Antique, bientôt j'adorerai comme eux, bientôt j'adorerai comme eux. j'adore les campeurs. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme qui sera retenue dans le cas de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Le regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Le signal de la victoire déjà pris au ciel, la couronne de la gloire parée à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi, que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suis mon ami la bannière du Sauveur en croix, et que notre âme entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rue des langues est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains, dans l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, Jésus, à genoux. Psalm 26. Psalm 26, 1031. Accélération. Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Que caractère que chaque jour mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille les prix toujours. Dès la midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste de ce jour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, baissant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la cette demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille le matin, veille le soir, veille et prie toujours. Moses. À Dieu soit la gloire par son nom d'amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux, réjouis-toi. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'âme à l'église quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Ô venez, ô Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oh oui, 180, 180. Numéro 8, prenons 180. Seigneur, ma paix le prends ta croix et viens suis-moi. Je recherche ton sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Seigneur vous soit abondamment multiplié. Amen. Nous pouvons prier, n'est-ce pas? Amen. L'atmosphère là, c'est bon. Ça commence à sentir bien. Amen. Exprimez votre cœur ou bien notre cœur devant le Seigneur. Nous voulons véritablement le suivre. Il est clair que le chemin est difficile. Mais quiconque a la volonté, à la bonne volonté et s'engage, parviendra par la puissance du Très-Haut. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Amen. Mais il veut seulement que nous soyons mieux disposés, que nous nous faisons confiance en toutes les choses. Amen. Amen. Prions, frères, priez, rendons grâce et gloire à notre merveilleux Père et invoquons son Saint-Nom pour qu'il nous secoue dans nos besoins. Élevons la voix Notre Seigneur et notre Dieu est notre roi. Nous te sommes infiniment reconnaissants dans nos pères, ta bonté et ta fidélité dans les moindres détails de nos pères. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le jour, que par ta bonté tu fais de vue sur nous. Et la nuit, Seigneur, que par ta grâce tu fais de chance. Et tu ne cesses, Père, dans ta bonté de nous faire du bien. Tu nous fais du bien et tu nous donnes la joie au cœur de chanter en ton honneur et d'espérer en toi. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci de nous avoir choisi, Père, pour que nous participons à ton œuvre. Merci de nous avoir invités à la louange de ta gloire. Merci, Père, de ce qu'un jour, d'après jour, Seigneur, tu nous sanctifies. Tu nous approches de toi et tu te dis connaître à nous, afin que nous marchions, Père, de gloire en gloire avec toi, de victoire en victoire. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour chaque membre, Père, que tu es mis en ce lieu. Merci pour les cœurs, ô Seigneur, que tu tournes chaque jour vers toi. Merci pour la soif que tu mets au fond de nous, afin que Père, prenons. Nous apprenons à toi qui es une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour tout, pour le temps et les circonstances. Merci pour la disponibilité, Seigneur, de notre être entier ou d'être agréable. Et merci pour la bonne volonté que tu nous apportes. Merci, Seigneur, pour ton amour insondable. Merci, Majesté, pour ta grande fidélité. Pour ta grande bonté et ta grande compassion qui se renouvelle de tous les jours en notre famille. Merci, Majesté. Tout l'honneur te revient, Père. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité de l'esprit. Merci, Père, de ce que tu gardes nos pensées en Christ notre Seigneur. Afin que nous ne péchions pas en pensée. Merci parce que, Seigneur, tu nous préserves afin que nous ne péchions pas en arrière. Merci parce que, jour après jour, tu as notre cœur de ton amour, et Dieu t'a crainte dans notre cœur afin que nous marchions en te considérant dans ton pouvoir. Et merci parce que tu as planifié aussi. Tout le monde te revient à nous, et tu la gloire. Une fois merci, dis une fois merci, Père, que nos actions de grâce, Père, que nos sacrifices de grâce de Père, Seigneur, sont de grâce à tes yeux. Et que tu agrées nos prières, que tu agrées nos supplications, que tu agrées, Seigneur, cet instant de communion avec toi, d'intimité avec toi. Et nous te prions, Père, d'ajouter ta bénédiction sur nous tous, Père, afin que nous ayons une force et une capacité, Seigneur, pour toujours te révoquer et que ton amour demeure dans notre cœur. Nous te prions, Père, de pardon de ce qui, oh Dieu, tu ouvres nos cœurs, afin que, Père, nous entendons ta parole et ta parole. Et qu'elle habite abondamment dans notre cœur afin de porter des fruits, oh Dieu, afin de porter continuellement des fruits pour la gloire de ton Seigneur. Car Dieu dit, Seigneur, que tu nous portes abondamment des fruits, le Père sera glorifié, nous puissions se soulever. Seigneur, nous te prions, étendre ta grâce et disposer notre cœur, notre âme, notre esprit, à toujours chercher en bas de suite ta volonté. La gloire de Dieu. Dieu dit de gloire, Dieu dit de puissance, Seigneur, c'est toi, mon grand gloire, nous le lèvons de Dieu, majesté, dans le précieux nom puissant, de notre merveilleux Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ, de Nazareth. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il nous rend capable en toutes choses pour que nous le suivions sans murmure et sans mauvaise pensée et non plus sans le tenter. Amen. Amen. Oui, parce que nous pouvons le tenter. Lui seul peut nous préserver. Qu'il préserve nos lèvres des mauvaises paroles, qu'il préserve nos cœurs des mauvaises pensées et qu'il nous donne à toujours le suivre et à accepter en toutes choses que seule sa volonté puisse accomplir. Alléluia. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous avons, Seigneur, le désir de te suivre, de continuer à marcher dans tes voies, de marcher, Seigneur, avec humilité, avec joie, en t'accompagnant. Et Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, mais toi qui es notre Dieu et notre roi. Nous faisons recours à toi, Père. Nous nous tournons, Seigneur, les doigts pour t'invoquer. Nous t'invoquons sur le ciel et de la terre, le Seigneur Jésus. De nous être favorables dans nos prières et que tu nous accordes ta protection afin que ta grâce nous conduise et nous préserve, Seigneur, nous préserve de toute tentation et nous garde nos lèvres de mauvaises paroles afin que nous nous lèvres de la même gloire, Seigneur. Et garde nos cœurs de mauvaises pensées, Seigneur, afin que nous nous sentions ces lèvres de notre cœur. Gardez notre vie, Seigneur, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la droiture, Père, afin que nous marchions avec toi, Père, il y a de toi à nous garder sur ce chemin, Père. Le chemin est étroit qui est réservé, Seigneur. Et nous craignons, ô Dieu, de murmurer contre toi, de te tenter, Père. Ici, nous le faisons, Père, nous serons obligés. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, Majesté, que tu veilles dans ta bonté, Père. Dans ta bonté, Père, nous préservons. Veille dans ta bonté, ô Dieu du ciel, gardez notre cœur en toi, gardez nos pensées en toi, tout le sang du Seigneur, et gardez notre être sanctifié dans la sécurité et dans le monde. Donne-nous un cœur sage pour nous conduire, Seigneur. Donne-nous un cœur sage pour nous marcher correctement avec nous. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui est sous le Père, donne-nous un esprit de bonne volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur notre Dieu a dit que le signe qui montre que nous l'aimons, c'est garder ses commandements. Amen. Nous pouvons chanter des louanges, certes, mais nous ne différençons en rien des pharisiens. Nous pouvons offrir des sacrifices, nous pouvons de même être offrir des sacrifices des insensés. Mais si nous gardons ses commandements nous enseigneront à offrir à notre Seigneur ce qui lui est agréable. Amen. Car tout ce qu'il veut est écrit dans ses commandements. Amen. Amen. Prions donc notre Seigneur qui nous ouvre de l'intelligence afin que nous entendons sa parole et que nous la comprenions et puis que nous vivons avec elle. D'accord? Au nom du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, misérable que nous sommes. Seigneur, insensible que nous sommes. Seigneur, nous sommes tous les mêmes choses. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faillibles. Nous reconnaissons, Père, que nous sommes sans force. Que nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais gloire à tous ceux qui sont des magistrats. Ce que tu t'es donné pour nous, pour nous, pour nous, pour avec toi, nous faisons une grande réflexion à prendre parce que tu nous as fait et tu nous as choisi, tu nous as donné ton image et tu nous as mis en avant. Et nous acceptons avec toi, Père, et de même, Seigneur, nous voulons pas nous voler au milieu de cette volonté de ce que tu nous as passé. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, et nous voulons conserver cette grâce en nous, Seigneur, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, notre Père, nous sommes dans ce monde. Nous avons l'intelligence pour que nous puissions nous faire une réaction Seigneur, si nous comprenons ta parole, nous pouvons acheter. Seigneur, si nous comprenons le sens de ta parole, nous pouvons aux yeux, soigneusement la mettre en pratique. Mais pourquoi perdre en disant nos maîtresses? Nos manquements, c'est le bon sens de ton maïs. Toi qui peux voir, toi qui donnes l'intelligence aux esprits, toi qui donnes la sagesse aux hommes pour se comprendre. Donne-nous de l'intelligence, mais dans notre esprit de l'intelligence, Père, afin que nous nous confusions avec l'univers de Père. Lui, mets dans notre cœur de la sagesse de Dieu, afin que nous marchions au milieu de ce que c'est fait avec la sagesse de Dieu. Lui, Père, nous sommes pauvres en sagesse, nous sommes pauvres en intelligence, nous sommes pauvres en connaissance. Mais car nous ne pouvons comprendre, nous ne comprenons pas forcément la parole, mais Seigneur, donne-nous la paix. Afin que nous puissions entendre ta parole, nous la comprenons, Père, et que nous la vivions, Père, pour que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, et que nous la vivions, En toi seul nous déposons notre confiance et nous espérons tout pour nous. Seigneur, l'honneur et la gloire de Dieu, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons prier, frères bien-aimés. Notre Seigneur, dans sa bonté, voudrait être notre trésor. Amen. Car il a dit, fais du Seigneur tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors il faut qu'il soit au préalable des délices, ton délice. Amen. Amen. Prions notre Père que lui-même, il s'est fait délice pour nous. Amen. Qu'il habite dans notre cœur, qu'il prend sur sa responsabilité notre cœur afin que nous l'aimions. Qu'il met son amour abondamment en nous. Amen. Amen. Car à cause de son amour, si nous avons son amour, nous allons aussi lui obéir. Amen. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ce sujet. Père, mon Dieu, je ne veux pas te faire comme nous ne voulons pas te faire. Tu as dit, Seigneur, que nous devons être du monde. Les fils sont sanglants dans le pays. Les fils sont ceux qui perdent une œuvre dans le pays. Les fils sont ceux qui marchent d'après le conseil. Le Père, tu es ma richesse, tu es le commandement. Sans toi, je ne peux rien faire. Père, je ne peux rien faire. Oh, moi-même, aucun de nous ne peut rien faire. Et nous avons droit aussi. Qui est une finance qui est une puissance, qui rend l'impossible par amour, Seigneur, je par amour, Seigneur, tu as tué mort à la Seigneur, Jésus, je veux vivre. D'un amour, je viens à toi. D'un amour profond, d'un amour inestimable, d'un amour grand à tes yeux. Et je suis pauvre en amour. Ajoute à moi, Seigneur, ton amour. Ajoute à mon frère, ton amour. Ajoute à ma soeur, ton amour. Seigneur, afin que nous puissions aimer tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre corps, de tout notre esprit, de tout notre âme. Seigneur, je veux t'avoir prêt. Je veux t'avoir, Seigneur, limite et bonjour. Sanctifie notre cœur, sanctifie notre âme, toi qui as fait de moi ton enfant, tu m'appelles ma fille et tu m'appelles ami, nous savons, Père, que si vous t'aimons, nous avons et tu as dit, Seigneur, que je suis ta fille. Nous avons privilège de si nous t'aimons, nous changeons à notre bien. Père, sois miséricordieux envers nous. Père, sois compatissant envers nous. Père, sois apaisé envers nous et remplis-nous de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour, Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour, Père, afin que je puisse offrir des louanges qui te sont agréables. Afin que je puisse offrir des sacrifices dont tu agrées, Père. Remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Sans ton amour, nous ne pouvons rien faire. Je ne puis aimer mon semblable comme moi, même si je n'ai pas de l'amour en moi. Je ne puis être agréable, Père, si je n'ai de l'amour en moi. Car tu as dit, Seigneur, ta volonté, ton désir, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Toi qui es le maître d'amour, toi qui es l'amour, la plénitude de l'amour, répands-toi dans mon cœur. Répands-toi dans le cœur de mon frère. Répands-toi dans le cœur de ma sœur, afin que nous puissions tenir les mêmes langages, afin que nous ayons les mêmes pensées, afin que nous nous conduisions tous ensemble comme toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que nous ayons les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Répands donc, Seigneur, dans nos cœurs ton amour. L'amour du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de mon semblable Père. Afin que je puisse l'aimer et puis afin que je puisse le pardonner librement. Seigneur, garde notre cœur. Remplis-nous de ton amour et conduis nos pas, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Nous voulons, Seigneur, que notre foi te soit agréable. Agrée notre foi, Seigneur, et fortifie-nous dans nos faiblesses. Et ajoute-nous, Seigneur, de la connaissance et la capacité afin que nous te soyons agréables en toutes choses. Aie pitié de nous, Père, et exauce nos prières. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est en toi seul que nous déposons notre confiance. Et nous espérons en toi et rien qu'à toi. L'honneur et la gloire te revient, Majesté, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Veillons nous asseoir, bien-aimés. Que la grâce et la paix vous soient données. Amen. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la part de, du témoin fidèle. Notre Seigneur est glorieux, Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, frère? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Il y a encore une chaise là, il manque. C'est trois là. C'est trois chaises, pas bien. Mais c'est normal, ça doit être calme, il connaît. Non, je mets pas la voiture, pas la lumière. Viens avec ici. C'est là-bas, c'est bon. Là, j'arrange un peu le rideau, que le monstre n'entre pas. Je suis à votre service. Comment vous allez? Bien, bien. Vous allez bien? Bien. Vous avez toujours chaud, n'est-ce pas? C'est pas facile. En journée, vous avez chaud. Même ici, vous avez chaud. Et personne ne se plaint quand il y a le soleil dehors. Donc, supportons, d'accord? Amen. Dieu voulant, je vais vous mettre la clim ici. Comme ça, vous allez dire non. J'aime prier là-bas. Mais là, vous allez vous mettre à genoux. Vous allez, oh, quand le frère Chifa dit que vous priez, vous allez commencer à dormir. C'est mieux quand vous êtes à genoux. Il y a la chaleur, vous ne pouvez pas dormir, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Baissons la tête, prions. Seigneur, nous sommes devant de toi maintenant. Nous attendons à toi. Daigne, tu, Père de gloire, nous donner un sujet pour nous aujourd'hui, ce soir, pour édifier notre cœur. Chaque fois, au Dieu de gloire, nous ouvrons ta parole, nous découvrons de tes merveilles. Nous prions ce soir, Père, que tu nous accompagnes encore et que tu nous conduises, ô Dieu, dans les rivages de ta parole, afin qu'elle fasse le délice de nos âmes. Je prie, Père de gloire, que tu scelles ces paroles dans les âmes de tous ceux qui y écoutent, partout dans le monde entier, Père de gloire, tous ceux-là qui ont les questionnements et qui voudraient vivre comme tu veux. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu te révèles à chacun d'eux. Je pense particulièrement, Père de gloire, à tous ceux qui sont dans le pays musulman et qui ne peuvent pas exprimer leur foi à cause de la peur. Je prie, Père de gloire, que tu fasses voir, ô Dieu, dans ce pays-là, Dieu, les rois et les princes qui sont dans ce pays, que tu adoucis leur cœur en faveur de tous les chrétiens qui se trouvent afin qu'ils vivent paisiblement leur vie. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui sont dans les tourments, dans ces pays-là, des pays où l'évangile est difficilement prêché, où ils se trouvent enfouis dans les profondeurs des jungles. Je prie, Père, que tu les fortifies par ton esprit. Je prie, Père, de gloire, que tu les donnes pour délivrer au Dieu de gloire les captifs. Seigneur, nous sommes dans un pays aisé où nous ne voyons pas l'importance d'évangéliser. Mais ceux-là, Père de gloire, comprennent qu'il y a des âmes qui périssent et tu les as commissionnés et envoyés, Père de gloire, afin qu'ils vont sur le terrain pour en chercher ceux qui t'appartiennent. Je prie, Dieu de gloire, que tu manifestes ta puissance dans leur vie et tu combles leurs besoins, Père de gloire, dans toutes leurs attentes. Donne-leur, oh Dieu de gloire, la direction dans tout ce qu'il faut. Que ton nom se soit glorifié, Père. Ici, Père, nous nous attendons à toi. Je prie, Père, que tu équipes les saints ici au Cameroun. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu les équipes pour tous ceux qui espèrent en toi afin que tu manifestes cette puissance de la dernière heure. Je prie pour ceux d'ici, Dieu de gloire, qui t'appartiennent, que tu les scelles de ton esprit, que tu les œuvres, oh Dieu de gloire, que tu œuvres dans leur cœur, afin qu'ils soient toujours à toi. Père, mets un saut dans leur esprit, qu'ils sachent qu'ils sont à toi et qu'ils t'appartiennent pour la louange de ta gloire. Je prie pour les femmes qui sont ici. Donne-leur, oh Dieu de gloire, de comprendre la nécessité de se sanctifier et de ne pas ressembler aux femmes de ce monde perverti. Donne-leur de vivre, oh Dieu de gloire, comme des saintes femmes qui font profession de te servir. Car tu viendras, Père de gloire, pour prendre une église sans tache ni ride. Donne-nous, oh Dieu de gloire, que nous comprenons cette gravité, oh Dieu de gloire, par rapport au monde pervers et corrompu dans lequel nous vivons maintenant, où le péché est appelé bonté et les bontés sont appelées, oh Dieu de gloire, les choses qui sont bien. Père de gloire, nous prions, oh Dieu de gloire, que la sanctification soit notre socle et qu'à jamais nous n'en nous en détournions. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de ne pas tolérer le péché dans notre vie. Donne-nous de ne pas tolérer aucune trace de péché dans nos vies, ni dans nos paroles, ni dans nos actions, mais afin que nous soyons également, oh Dieu de gloire, saints, comme tu as dit, tu es saint, nous soyons saints. Que nous soyons sanctifiés dans toute notre conduite, notre façon d'agir. Tu contrôles tout ce que nous avons fait dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions? Ma Bible se trouve où ici là-dedans? Juste à... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ça aussi? Oui. Frère, ma question, ça concerne les sources de bénédiction que nous avons fait récemment. Oui. Bon, en fait, si quelqu'un a le téléphone qui est allumé, venez éteindre pour qu'on ne soit pas perturbé. Oui. Frère, c'est une préoccupation de ma part. Oui. Parce que je me rappelle, dans la dernière dénomination où j'étais, bon, le pasteur avait eu à parler de la libéralité. Oui. Et bon, j'étais l'une des personnes, en fait, qui faisait face à ces catégories de personnes qui sont souvent en chemin. Parce que quand je sortais bang, j'avais toujours cette compassion pour ces personnes-là. Bon, jusqu'à ce qu'un jour, un passé était venu qu'on avait invité à enseigner sur ces choses-là. C'est depuis ce jour que j'ai eu les réticences dans mon cœur. En fait, après l'enseignement-là, je ne me sentais plus libre de faire ce que je faisais par le passé. Parce qu'il nous avait donné un témoignage disant que quand il était sorti, il voulait prendre un taxi. Il y a quelqu'un là, un enfant qui est venu vers lui disant qu'il avait besoin de 100 francs. Quand il a donc mis sa main dans sa poche, voulant sortir 100 francs pour lui donner, il a entendu l'esprit qui lui disait ne donne pas, que c'est un agent du monde des ténèbres. Et il n'a pas donné. Bon, et quittant de là, maintenant il nous fait comprendre qu'en fait, avant de sortir de l'argent pour donner, même à ceux qui sont en bordure de route là, il faut d'abord interroger le Saint-Esprit. Bon, suite à cela maintenant, quand je voulais faire cette œuvre-là, j'hésitais, je ne savais plus si c'était la volonté du Seigneur ou pas. Bon, quand Frère, tu as enseigné sur ça maintenant, bon, je me sentais parfois embarrassé. Je voulais poser cette question depuis, mais je ne savais pas comment, en fait, comprendre la volonté du Seigneur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand il rencontre quelqu'un, comment savoir que s'il lui donne mon argent, c'est un agent de ténèbres. Nous sommes d'accord. Oui. Qui a aussi ces problèmes-là? Moi. Voilà. Donc ça pose la problématique du Saint-Esprit. Vous montez, vous descendez, c'est là le problème de l'église. Ce n'est pas seulement le problème. Maintenant, tu n'as pas encore marié, non? Oui. Tu vas te marier, n'est-ce pas? Oui. Depuis que tu es jeune, que tu commences à sentir que ton corps a besoin de femmes. Combien de jeunes filles tu as vu qui sont belles? Plusieurs. Parmi toutes, s'il fallait te choisir, mais tu vas choisir quelle? Comment tu vas savoir comment c'est ce que tu dois avoir? Tu vois, je suis en train de transporter la situation que tu as posée dans plusieurs domaines. Si tu as l'opportunité de voyage qui s'ouvre devant toi, l'Afghanistan, la Chine, la France, la Suisse, et que tout est devant toi maintenant comme ça, comment tu vas savoir là où Dieu veut que tu partes? Ouais, c'est la même situation. Donc en réalité, il faut savoir écouter Dieu. savoir discerner la volonté de Dieu. Je crois que nous allons répondre à cette question-là lorsque nous allons toucher la deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé dimanche, plaise à Dieu, sur le discerner la volonté de Dieu dans chacune des choses. Amen. Maintenant, ce pasteur a dit que le Saint-Esprit lui a dit que ça, c'est un agent du diable. Donc, le Saint-Esprit, donc, lui a, de façon spécifique, dit cela. Amen. Donc, si le Saint-Esprit ne lui a pas dit, il aurait aussi fait comme tout le monde fait. Amen. Et quoi qu'il faut pousser ces choses-ci. Donc, c'est pousser là-bas que les moussines ne le font pas. D'accord. Bon, maintenant, quand nous lisons la Bible, quand tu vois parmi les jeunes filles que tu as vues, tu as détecté que parmi elles, il y a les sorcières. Tu as vu que peut-être il y a l'autre que sa maman va lui léguer plus tard la sorcellerie. Maintenant, Ecclésiaste chapitre 7, verset 26 à 29 dit que j'ai cherché parmi une femme, un homme parmi mille, j'ai trouvé pour, entre elles, je n'ai pas trouvé de femme. Et par la suite, dans là-bas, que j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et il dit quoi? Que tous ceux qui craignent l'Éternel sont agréables à Dieu, lui. Tous ceux qui. Donc ça veut dire que c'est une femme qui est un piège. Il dit dans le proverbe que ne la convoite pas dans son cœur à cause de sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Maintenant, ici il nous dit que tous ceux qui sont agréables à Dieu, lui échappent. Comment il faut pour échapper à ce type de femme-ci? Comment? Il faut comment? Être agréable à Dieu. Rendre le sujet. Cherchons à être agréable au Seigneur. D'accord? Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Chercher à être agréable au Seigneur. La Bible en parle. Et c'est l'un des thèmes majeurs du Nouveau Testament. Attendons jusqu'à ce que les versets soient arrangés. Quand ils vont nous donner les versets, on va commencer quelque part. Donc, soyez donc prêts pour noter, d'accord? Donc, si vous posez la question sans exception à chacun, et comme j'en ai signalé là-bas, c'est un sujet vraiment grave au milieu chrétien, où il faut savoir ce que Dieu pense. La pensée du Saint-Esprit. Pour le 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, nous dit clairement que nous avons la pensée de Christ. D'accord? Afin de savoir ce que Dieu a réservé pour nous. N'est-ce pas? Parce que l'Esprit sont de tout, mais la pensée de Dieu. Le chrétien qui est écrit dans la Bible comme étant ayant la pensée de Dieu reste lui-même ambigu sur ses propres positions. Il ne sait pas si Dieu s'il va s'avancer, si c'est la volonté de Dieu qui parle ou il ne parle pas. Et là, il est la lumière du monde. Maintenant, cherchons à être agréable à Dieu. En fait, c'est une obligation. Vous allez voir, quand on va ouvrir la Bible, vous allez voir, j'attends seulement que les versets viennent, que ça nous amène quelque part, on va voir. Alors, vous demandez donc sans exception à chaque chrétien que quel est ton but sur la terre. Dieu a créé l'homme pourquoi? On va dire que c'est pour. Se multiplier. Hein? Donc, le but pour lequel Dieu t'a créé, je viens de te multiplier, frère. Dieu a créé pourquoi? Qu'on fasse quoi ici sur la terre? Pour l'adorer. Pour l'adorer. C'est très bon. Voilà la réponse. La question maintenant c'est, toi, comment tu le sais? Comment tu l'adores? Si tu sais que voici l'objectif pour lequel il t'a créé, la question c'est, est-ce que tu as compris ce qu'il veut donc? Vous voyez cela? Donc, comment donc l'adorer? Comment l'adores-tu? L'adorer, ça ne veut pas dire que ferme les yeux, vous allez l'âme coule. Que Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis, tu n'as pas vu. Dieu. Ce n'est pas ça l'adorer. Ça ne va pas de chanter les slow chrétiens. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a pas ces chants que chanter maintenant que les gens vous donnent les chairs des poules là. Ça n'a rien à voir. Que vous chantez, vous faites fermer les yeux comme ça. Que c'est le slow, adore-le. Ferme tes yeux, mon frère. Adore Dieu, ma soeur. Sens-toi, il est à côté de toi. Embrasse-le, tu fais comme ça. C'est l'air que tu embrasses. C'est pas comme ça. C'est pas ça l'adoration. Alors, il croit qu'on va y revenir dans un autre enseignement. C'est quoi l'adoration que Dieu dit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Puis, il a dit que l'heure est venue, elle est venue, où les vrais adorateurs adorent. Il a dit les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Vous voyez que le problème, encore, c'est l'esprit. Donc, vous ne pouvez pas servir un Dieu, le Dieu qui est le Dieu esprit, qui cherche les vrais adorateurs de façon charnelle. Quand tu fais de façon charnelle, tu es sur l'Ancien Testament où on parle de rituels, des choses qui sont installées pour une certaine époque jusqu'à une certaine époque de réformation. Alors je recommence encore, là je suis en arrivé. Sans exception, les chrétiens savent de façon indélébile que Dieu a mis chacun ici sur la terre pour qu'on l'adore, pour qu'on le serve. Question, est-ce que tu adores donc Dieu comme il se doit? Que veut dire adorer Dieu? L'un des volets dont il s'agit d'être agréable à Dieu. Donc toute personne qui est sur la terre, que Dieu a mis sur la terre, doit chercher à être agréable à Dieu. Vous devez chercher cela. La question maintenant c'est, que veut dire être agréable? Les Écritures doivent devoir nous dire. Allons dans le livre du Proverbe chapitre 3. Nous allons commencer au verset 12. Puis on va sauter le verset 13, parce que le verset 13 coupe cela directement. Puis on continue le verset 14 jusqu'au dernier. D'accord, frère? Dans le verset 12. Le verset 12 traite d'un sujet dont le verset 14 continue à traiter. Mais le verset 13 entre au milieu. Mais le, même comme l'Ecclésiaste est entré dans ce verset 13, le verset 13 est un trait d'union entre le verset 12 jusqu'au reste des versets, parce que c'est impliqué dans être agréable à Dieu. D'accord, frère? Permettez-moi de prendre ma Bible donc. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Permettez-moi de trouver ce passage-là. J'ai dit quel livre déjà? Proverbe chapitre 23, c'est ça? Chapitre 3. C'est ça, ouais. Vous entendez, non? Vous avez entendu? Allons-y, Proverbe chapitre 23. C'est quand même terrible. Écoutez très attentivement. J'ai bien dit, on commence au verset 12. Puis on saute le verset 13. Et on continue le verset 14 jusqu'au dernier. Mais le verset là qu'on a mis au milieu, les lit ensemble parce qu'on va voir dans le développement. Écoutez tout ça attentivement. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Madame, où est ta Bible? C'est où? Où ça? Ouvre donc. Ou bien tu aimes quand c'est même quand il prêche. Quand il prêche, ça passe dans ton cœur, n'est-ce pas? Ok, bon, ça va, on en va aussi. Puis verset 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. C'est une zone tampon ici entre ce qu'on va voir maintenant. Le premier verset commence au verset 12 en disant, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'oubliez pas ce qu'on est en train de voir. Cherchez à être agréable à Dieu. Puis ici, n'épargne pas la correction. Vous allez voir que tout à l'heure, on va retoucher ce verset. Donc le verset se trouve là-bas comme si ça ne devait pas se retrouver entre le verset 12 et tous les autres versets. Maintenant, si il lit le verset 12, je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 15 là, donc verset 12, puis au verset 15, vous allez voir que c'est la suite. Mais les versets 13 et 14 sont imbriqués là-bas. Qu'est-ce que ça fait cela? Puis la verset 14 dit, en le frappant de la vertu, délivre son âme du séjour des morts. Vous avez vu cela? Verset 15 maintenant revient sur ce qu'on a dit au verset 12. Mon fils, si ton cœur est sage, parce que là-bas en haut on disait, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Puis, si on sort maintenant, on va verser qu'elle dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Donc Dieu, c'est sur le cœur, sur la terre, on ouvre notre cœur à l'instruction, qu'on devient sage, pour qu'il soit dans la joie. Ça pose encore un autre problème. C'est quoi ouvrir son cœur à l'instruction? Comment être sage selon Dieu? Est-ce fréquenter pour avoir le diplôme PhD en master en divinité des affaires? Le master en théologie, est-ce que c'est en faisant ça on est sage d'après Dieu? Il dit, ouvre ton cœur à l'instruction. Puis ici, il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Donc, il faut que frère, toi et moi, nous fassions tout pour réjouir le cœur de Dieu. Et là, pour réjouir le cœur de Dieu, comme il a dit ici, pour nous-mêmes, il faut qu'on devienne sage. Et pour qu'on devienne sage, il faut qu'on ouvre notre cœur à l'instruction. Donc, normalement, chaque être vivant qui veut plaire à Dieu va chercher à savoir ce que Dieu attend de lui. Chercher à lui être agréable. Mais d'appuyer, continuer. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand les lèvres. Notez, Ephésiens chapitre 5 maintenant, merci Père. Notez. Je vais y revenir, mais d'abord, de nouveau, le verset. Là, c'est affiché là, sur la tête des frères. Ephésiens chapitre 5. Vous avez noté? Notez Romains. Notez le chapitre 12, chapitre 14, chapitre 15. Notez, je vais venir vous donner les versets. On va lire. Notez Hébreux. Notez tout simplement. Je vais revenir rapidement. Notez Hébreux. Notez Jean. Et tous les versets, tous les passages que je vous dis, je vais venir. Les passages seront donnés là. On avance. Vous avez noté Hébreux, Jean. Notez Jacques. 1 Pierre, 2 Pierre. Notez. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le frère qui nous a amené là-bas. Que Dieu te bénisse, frère. On peut avancer ici maintenant. Oh, c'est beaucoup là, c'est beaucoup. Il y a au moins 24 versets, mais je vais vous les donner tous. Vous allez les lire. Avançons ici. Puis d'ici, verset 16. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Quelqu'un vit sur la terre. Il dit qu'il craint Dieu. Après, tu vois les voix détournées qui prennent sa bouche. Il dit ici, il ment ici, il colle les têtes des gens ici. Après, il dit, oh, we worship you, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Dieu dit ici, que mes entrailles seront émues d'allégresse. Donc Dieu sera content de toi lorsque ta bouche dit ce qui est droit. Puis il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Et c'est ce que les chrétiens sont sur la terre sont les dit. Chaque fois par le temps, on dit qu'on a fait quoi à Dieu? Pourquoi nous nous souffrons comme ça? Nous avons vu ça ici, pas vrai? Et regardez, que ton cœur n'envie point les pécheurs. C'est là où nous prenons les modèles. Prenons donc ce verset-ci et regardez comment la chrétienté a basculé. On copie les musiques chez les chrétiens, chez les mondains. On sanctifie avec le nom de Jésus. On copie les hip-hop. On dit, on prend les pique-niques. Il y a les hip-hop chrétiens, fashion chrétien, pique-nique chrétien. Il y a même maintenant un autre, on dit c'est le mariage chrétien. Tu vois dans la Bible, tu ne vois pas de mariage chrétien. On parle du mariage tout court. Il n'y a pas de mariage chrétien. Tu entends musique chrétien. Tu dis musique chrétienne, ça sort d'où? Il n'y en a nulle part. Tu te poses la question, qu'est-ce qui arrive aux gens? Il dit que ton cœur n'envie point les péchés. Mais quelqu'un va te dire, non, on prend comme ça. Il n'y a pas de mal à cela. On prend, on essaie de sanctifier. On met le nom de Jésus là-bas. Ça ne change rien. On dit que ton cœur n'envie point les péchés. Donc tu entends petit pays, joue la musique, ça te plaît. Tu dis, waouh. Et prends maintenant, je mets plutôt le pas, la chanson chrétienne là-dedans. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Et Proverbe 8, verset 13, définit la crainte de l'Éternel comme étant quoi? Proverbe chapitre 8 dit que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La haine du mal. Donc tu dois détester ce que Dieu déteste. Il faut que ce soit comme ça dans ton cœur. Si tu entretiens une séquence de péché dans ton cœur, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Jamais. C'est que tu as été trompé. Continuons seulement. On va finir le proverbe. On va aller dans le Nouveau Testament. Après ça, on va dans le Nouveau Testament. C'est là où de nouveau, vous allez voir ce que Dieu dit et qu'il attend de nous. Quand vous dites, Dieu nous a mis sur la terre pour qu'on l'adore, pour qu'on le serve. On va voir en clair ce que vous venez de dire là. Les implications. Puis d'ici, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc quelqu'un qui craint Dieu, même si n'importe quoi lui arrive, son espérance est pour toujours. On avance. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Donc les gens, quelqu'un qui entend cela, doit mettre sa vie à la règle. Quand il va mettre sa vie à la règle, il va décider que rien de faux ne doit s'attacher à ma vie. S'il y a n'importe quoi, il doit marcher dans la voie de la vérité. Quitte à ce que ça me coûte la vie. Voilà. Voilà la voie de quelqu'un qui doit être agréable à Dieu. Quitte à ce que ça me coûte là. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens qui disent, et si je prends telle position, on me charge du travail. En fait, c'est en toile de fond, c'est que je vais vivre comment sans ce travail. Donc, son Dieu n'est pas puissant pour pouvoir. Et voilà le Dieu qu'on dit. Après, on va chanter, oh, Yahweh, mon pouvoir. Et pourtant, il n'a pas de problème de pouvoir, pouvoirment. Il a son travail qui est son Dieu. Mais s'il y a un problème, et qu'il faut prendre position pour Dieu, il dit non. S'il ne prend pas, mon chef va me licencier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ici, il dit, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Voilà dans le premier sujet. Après, il va tenir le tout du cœur. Parce que le vin vient, c'est pour le cœur. Mais les chrétiens aujourd'hui discutent. Non, Jésus a transformé l'eau en vin. Il n'y a pas de problème. Écoute, mon fils, l'instruction et deviens sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Les chrétiens et les pasteurs sortent de l'église, comme ils disent aujourd'hui, s'asseyent là-bas, boivent jusqu'à bagarrer les anciens. On dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font des excès de viande. Vous y êtes? On les a mis d'Indoro. Verset 21. Car l'ivrogne, et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Verset 22, écoutez attentivement. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Allez dire ça aujourd'hui au modernisme. Allez en Europe, dis ça, que mon fils écoute ton père. Il va dire, j'ai des droits, moi. Mais l'article 4 des Nations Unies dit que tout enfant a le droit de faire ce qu'il veut. Tu parles. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Notez 1 Timothée, chapitre 5. Vous y êtes. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Vous y êtes, frère. Amen. La sagesse, virgule. L'instruction, virgule. Et l'intelligence. Il faut les acquérir, ne pas la vendre. Verset 24, je suis en allé vite parce qu'il veut écouter ce passage pour aller au Nouveau Testament, qu'on voit cela. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. C'est ce que la Bible dit. Mais notre génération dit, si ton fils est magistrat, travaille à l'ONU, ouf, le père là est bien, hein, parce que son fils travaille bien à l'ONU. C'est-à-dire que chez l'Antichrist, même en personne. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. On dit que normalement, un bon père, un père qui est digne selon Dieu, une mère qui est digne selon Dieu, n'est pas content de son fils qu'on vient lui donner des trucs à manger, même en vivant dans la fraude. il va seulement regarder si son enfant marche droit devant le Seigneur. S'il marche droit devant le Seigneur, il dit waouh, le vrai père, c'est là, il est content que mon fils est sage. Vous voyez, c'est la référence des parents d'aujourd'hui. Il dit, il t'a envoyé à l'école pourquoi? Chien. Tu vas maintenant, il donne l'argent des enfants, de venir à tes enfants, à tes petits, il te donne aussi à ta part. Parce qu'on veut qu'il passe chercher de l'argent à tout prix. S'il peut construire des villas n'importe quoi dans la sorcellerie, il ne peut pas être prêt à le défendre par tous les avec un ongle. Mais la Bible déclare que le papa qui est le plus heureux, la maman qui est le plus heureux, c'est celle qui, ceux qui ont élevé un enfant qui est devenu sage. Ici, on ne parle pas de l'argent frère, ni de richesses matérielles, non. De quelqu'un qui a la sagesse. Parce que la Bible déclare que la sagesse, là, le gain qu'elle procure vaut mieux que de l'argent. D'accord? Verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est un commandement. Voilà un commandement. Le verset 26 du chapitre 23 des Proverbes. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à mes voies. Ça veut dire que quoi? Que chaque fois, tout ce que tu vas vouloir faire, tu dois devoir chercher à savoir si c'est agréable à Dieu. Ce n'est pas ton plaisir que tu cherches, c'est le plaisir du Seigneur. Si c'est ce qu'il fait, c'est agréable au Seigneur. Comme l'apôtre Paul lui dit que c'est pour ça que nous cherchons, nous efforçons à lui être agréable. On va voir ça tout à l'heure. On avance, frère. Amen. Car la prostituée, subitement, on touche les femmes. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. On parle des femmes là. Les femmes, hein. Et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Donc on dit que si les hommes sont fous ici dehors, leur tête jette l'air, c'est à cause des femmes. Et le mondain dit que tous les travaux qu'on travaille, on travaille comme ça, c'est pour deux choses. Le ventre et bon. Pour qui les ha, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. On pose la question que c'est pour qui? Où est-ce qu'on trouve ces choses-ci? Où est-ce qu'on trouve les ha? Pour qui, hélas, pour qui les disputes que tant ici, pour qui les yeux rouges, pour qui les plaintes, les disputes, qui m'a fait une pour qui? Après on répond, regardez bien. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Parce que là, le vent d'emporter, ça se discute là-bas. Vous voulez savoir, ça se trouve là-bas. Puis il dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Et justement, on fabrique les verres. On dit, vous appelez ce comment? Baron de vase, on verse comme ça, tcha tcha tcha tcha, ça fait aller de comme ça, pauvre. Le frère, c'est à Barra, ça lui dit, voilà. Il dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Donc, quelque chose qui va te mordre comme un serpent, ne commence pas à le tenter. Pas vrai, frère? Et pas piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangers. Et c'est pour cela que l'ivrognerie, la boisson est intimement liée à la prostitution. Donc, quand tu bois, tu commences à voir, tu vas commencer à dire n'importe quoi. Tu vas ouvrir ta bouche à la légèreté, commence à draguer les femmes, dis n'importe quoi aux femmes. Regardez bien, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc le vin conduit à la perversion, à la prostitution, et toujours à la perversité. Ah, si les chrétiens peuvent entendre. Non, non, je me maîtrise, maîtrisez-vous. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, donc quand la personne boit, il tombe quelque part là-bas, on le tape, on prend même l'argent, il ne comprend pas qui a tapé. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en vais encore. Donc quand tu as bu, tu vas encore boire. Quand tu as bu, tu vas encore boire. Il y aurait passé du temps ici sur ces vins, c'est parler du démon du vin, du démon de l'alcool. On va y revenir. C'est ce que le Saint-Esprit lui dit ici, j'en veux encore, pour qu'il les dispute, pour qu'il les ha, et les hélas. Et vous comprenez, quand Dieu dit, quand vous dites ha, vous êtes digne. Pour que Dieu vous envoie en captivité. On va voir cela dans les Écritures le moment venu. Mais maintenant, qu'est-ce que le sage veut dire ici? Il veut dire qu'en réalité, si tu veux marcher comme Dieu veut, toutes ces choses qu'on a citées qui font la joie des hommes dans la vie, tu dois éviter cela pour que tes yeux plaisent à la voix de Dieu. N'est-ce pas? Dans ce sentier. Et pour cela, il dit, en réalité, tu ne peux pas toi-même contrôler ton cœur, il faut le lui donner. Donne-lui ton cœur et que ses yeux se plaisent à mes voix. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes bouches. Médite le jour et ne pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors là que tu réussiras dans tes entreprises. N'est-ce pas, frère? Amen. Éphésiens chapitre 5, donc. Dans tout le Nouveau Testament. Éphésiens, le chapitre 5. Vous avez noté 1 Timothée. Vous avez noté le chapitre 5, n'est-ce pas? Verset 1 à 5. Vous entourez le verset 5 particulièrement. Ou bien. entre le verset 4 qui nous intéresse. Notez le chapitre 2 de 1 Timothée. Notez, vous donc, je vous ai dit que quand il revenait, je vais vous donner les versets. Parce que je vais aller dans ces Éphésiens ici. Je me sens vraiment bien là maintenant. Merci encore pour la personne qui a posé la question là. C'est pour ça qu'il dit que c'est en fonction de vos questions qu'il peut prêcher. Quand vous prêchez, quand vous dites telle question, ça peut m'ouvrir n'importe quelle brèche dans la Bible pour vous prêcher. N'importe quelle. 1 Timothée chapitre 2, notez les versets 1 à 4. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse particulièrement. Notez Philippiens chapitre 4, le verset 18. On va y revenir. Vous y êtes. Philippiens chapitre 4, le verset 18. Si vous avez fini de noter, notez Colossiens. Vous avez besoin de stylo, madame. Pourquoi vous restez comme ça là? Colossiens chapitre 1, le verset 10. Si besoin, on va lire du verset 8 au verset 10. Mais le verset 18, 10 nous intéresse. Vous y êtes. Notez Colossiens au chapitre 3, le verset 20. On avance, frère. Notez 1 Jean chapitre 3, le verset 22. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 22. Vous y êtes. Tout à l'heure, vous allez noter 1 Pierre, n'est-ce pas? Notez le chapitre 2, le verset 5 du chapitre 2. Bon, vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 5, mais le verset 5 nous intéresse. Donc 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 5, mais le verset 5 nous intéresse. On avance. Vous avez moi. Notez Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 34 et 35. On y va, frère. Je vais donner 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 5. Vous soulignez ce 1 Corinthiens, chapitre 10. Vous soulignez ce 1 Corinthiens, chapitre 10. Parce qu'il parle et que le temps ne m'est court, je vais directement aller là-bas. Vous dites ce qui est écrit. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 5. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Jean, maintenant, le chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Notez les versets 27 à 29. Vous y êtes. Notez 2 Chroniques. Chapitre 16. Vous y êtes. Le verset 9. Allons d'abord dans ces deux chroniques là parce que j'ai entendu parler. Deux chroniques. Mettez le doigt dans ces Éphésiens, on va y revenir là-dedans. Je vous ai donné Jean chapitre 8, n'est-ce pas? Le verset 27 à 29, j'ai dit ça. Deux chroniques, chapitre 16. C'est merveilleux tout simplement ce qu'il en est. Si on avait seulement du temps pour parler de ces choses-ci et s'asseoir à ses pieds et dire, oh Seigneur, nous voulons que tu nous transformes, que nous soyons des adorateurs en esprit, en vérité, tel que tu recherches. Ces adorateurs qui ne sont pas influencés par les choses de ce monde si pervers. Ces adorateurs qui te cherchent en tout lieu, dans tout moment, que nous soyons toujours à son service. Vous avez moi, du chronique. Chapitre 16, le verset 9. La Bible déclare que car, vous êtes, car, on va arriver jeudi, je vous ai donné beaucoup de versets. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, aidez la personne à ouvrir des chroniques. Ça, c'est un peu jamais de produire à ce niveau-ci. Vous voyez, ça peut pas aller là. Des chroniques, chapitre 16. Second Chronicle, chapter 16 and verse 9. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voulez-vous être agréable à Dieu? Amen. Sur le Nouveau Testament, qu'on va nous dire maintenant. On va commencer à lire les choses. En fait, dans vos Bibles, tout ce qu'on va lire là, vous avez déjà souligné, c'est pour certains de ces passages. Vous allez voir, plus on en a de parler, plus ça jette un pan de voile, ça lève le voile sur ces choses-là. On est comme là, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir toutes ces créatures qu'il a créées parce que tout lui appartient. Non. Vous avez vu, n'est-ce pas, frère? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tout le monde parce que c'est lui qui les a créés toutes. Tous sont ses créatures. Non. Ce dont le cœur est tout entier à lui. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Quand il étend ses regards sur la terre, il suivait qui? Dans Proverbe chapitre 23, le verset 26, il a dit, mon fils, fais quoi de ton cœur? Ici, on dit qu'il soutient qui? Donc, il ne veut pas le partage. Dieu ne veut pas le partage. Premier principe, vous voulez être agréable à Dieu, totale soumission à lui. Totale soumission à lui. C'est pour ça que les gens blaguent avec Dieu, ils ne savent pas de quoi il est question. Parce qu'on croit que, comme Dieu ne punit pas et que chacun a développé son système de religion, sa façon de croire les chrétiens, sa façon, et c'est arrivé au niveau où les gens disent que c'est ta part d'interprétation là-bas. L'autre a sa part d'interprétation. Les interprétations sont relatives. On croit que, comme on dit, c'est relatif là, c'est ce que Dieu lui pense. Il dit, il étend les regards sur la terre, sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La question c'est, tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis, est-ce que ton cœur est à la canne et l'autre cœur ici? Il dit qu'il cherche tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ça doit être comment? Pendant qu'on a de parler maintenant, je ne suis pas encore allé dans le Nouveau Testament pour commencer à montrer comment être agréable. Pourquoi on doit être agréable? La question c'est, est-ce que tout notre cœur est entre ses mains? Si on n'a pas tout notre cœur entre ses mains, c'est pour cela que la peur peut nous arracher chaque fois. La peur peut nous arracher chaque fois parce que nous glissons sur des territoires qui ne sont pas de Dieu. Et par conséquent, on peut avoir peur. Vous entendez cela? La personne qui marche avec le Seigneur, la Bible déclare que même si c'est dans l'obscurité, il n'a pas peur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette, ça te rassure comment? Parce que tu as totalement confiance en lui. Si tu n'as pas totalement confiance en lui, et pour que tu sois dans cette chaîne de confiance, tout, tu dépends totalement de lui, tu t'appuies totalement sur lui. Si tu ne le fais pas, ça suppose que tu comptes sur quelque chose. Tu comptes sur quelque chose, mais tu as ton appui quelque part d'autre, tu as un peu d'appui, non? De temps en temps, tu dis Dieu. Donc tu entends quelqu'un dire, j'ai marché partout, ça n'a pas marché. J'essaie aussi Dieu. Tu essaies aussi Dieu, frère. On essaie Dieu. Donc c'est une roue de secours comme la roue de... Vous marchez avec votre roue et que Dieu est une roue de secours derrière. Tu as ton voisin, crains Dieu. Donne-lui totalement. Donne-lui totalement. Ton cœur. Ton cœur. Donc je recommence encore en deux chroniques. Regardez. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Voilà, vous le voyez, la partie A de ces deux chroniques. Maintenant, rentrons dans notre. Il est temps de vous lire Éphésiens chapitre 5 là. Avant qu'il nous envoie de l'autre côté là-bas encore. Maintenant, suivez très attentivement. L'instruction a été donnée claire. Et s'il y a une instruction qui est claire dans la Bible, voici l'une d'elles. Nous allons lire clairement que le chrétien est invité à ne pas faire n'importe comment dans ce verset-ci. Quand vous allez ouvrir chapitre 5, je vais vous donner le verset. Je vais citer ce qui est écrit là-bas. Vous avez ça devant vous. Vous dites, on peut y aller. Regardez, que, quand vous avez ouvert Ephésiens chapitre 5, regardez bien. Que vos yeux aillent directement au verset 10. Et on va lire tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Encore. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Encore. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous avez comment la phrase s'arrête? Vous avez un petit commandement, le verset 10. On dit quoi? Qu'on fasse quoi après? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc on doit chercher à être agréable au Seigneur. Pourquoi on fait cet examen? Pour que le verset suivant dit que et n'est pas prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Donc tu peux vouloir servir Dieu, tu en es de manifester les œuvres de ténèbres. Participer à Satan, avantager Satan. Donc, dans toutes choses qu'on faisons, nous devons examiner. Est-ce que ceci est agréable à Dieu? Oui ou non? C'est pour cela que lorsqu'on prêche sur ces choses des femmes, les gens disent non, moi je ne vois pas de mal à cela. Dieu n'a pas dit examiner ce qui est agréable à vous. Il a dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. La question c'est, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Moi je ne trouve pas de mal à cela, mais mini, je porte mon pantalon, ça te sert à quoi? Pourquoi? Quel est le problème à cela? Si elle pêche, c'est son problème. C'est ton problème. Dieu a dit c'est ton problème. Examiner ce qui est agréable à ton grand-père. Non, à qui? Au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais restons sur le volet du verset 10. examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alors, à répétition dans ton cœur, ce sera la voix qui sonne le marché. Est-ce que cette voix-ci est agréable au Seigneur? Si le Seigneur était ici, est-ce qu'il m'approuverait comme si ceci lui est agréable? Si la question c'est oui, si la réponse est oui, avance. Si tu vois dans l'ombre, sans l'ombre d'un doute que c'est non, fermez le temps de l'année. Parce que tu es en train d'aller à la perdition, tout simplement. Plusieurs chercheront à entrer, ne pourront pas entrer. Jésus a dit que plusieurs ont voulu souhaiter entrer dans le royaume. Que ouais, je veux que Dieu me sauve. Dieu dit que je ne suis pas avec toi. C'est ce que Jésus a dit. Elle a dit, efforcez-vous d'entrer. Non, non, non. Jésus, c'est le Dieu chocolat maintenant. Le bonbon. Le Dieu qui est bon, qui pardonne. Un Dieu miséricordieux qui pardonne les iniquités. Mais il déclare qu'il est un feu dévorant. N'oubliez jamais cet aspect de Dieu. N'oubliez jamais cet aspect de Dieu. La Bible dit ici, dans ce verset 10, il dit, examiner. Examiner, ça veut dire qu'on passe au soin. On regarde, on vérifie ce qui est agréable au Seigneur. Je recommence encore ce qu'il dit de lui. Si on intéresse chaque chrétien sans exception, pourquoi tu es sur la terre? Dieu m'a créé pour que je l'adore. Alors, est-ce que tu as examiné si tu fais exactement ce qu'il veut que tu fasses? Si c'est non, ça veut dire que depuis tu as échoué, ne le dis pas. Parce que tu ne peux pas prendre tout simplement une voiture, tu commences à rouler, tu attrapes une route, vous ne pouvez pas aller dans cette direction, c'est que là où mon doigt est, pour sortir à Bonabé, les frères. Même si c'est une route, sur une route qui est en train de marcher, tu marches quand même à une direction opposée à Bonabé. Tu dois examiner pour voir si cette route mène à Bonabé, pour des vrais examiner. Vous ne sortez pas tout simplement, vous voyez, t'as dit amène-moi là-bas en haut. Là-bas en haut, c'est où? Il faut que tu saches où tu vas, pour savoir si c'est la direction que tu dois prendre. Examiner. Examiner ce qui est agréable, pas à vous. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 15, que si nous estimons qu'un seul est mort pour plusieurs, nous estimons maintenant que nous vivons maintenant. Ceux qui sont pour qui il est mort, vivent maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pas ça? Hein? Donc je ne vis plus pour moi-même, c'est je dois vivre pour lui. Donc ma vie n'a plus de sens pour moi, c'est pour lui. Non, c'est quand même terrible, pas vrai? Maintenant, on continue maintenant. Allons dans 1 Jean chapitre 3, je vais te donner le verset 22 là aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3. Verset 22. Souvenez-vous de 2 Chroniques qu'on a lu aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Il a dit que car l'Éternel fait quoi? Étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Pour soutenir. Tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Maintenant, regardons ce que 1 Jean chapitre 3, verset 22 dit. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Pourquoi, frère? Vous avez la Bible devant vous? Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous gardons ce qui est agréable. Vous avez entendu ça? C'est vous qui avez posé la question. Nous demandons n'importe quoi à Dieu. Nous observons. Il nous donne cela parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est. Amen. Donc, il est nécessaire que les chrétiens se posent la question. Pourquoi mes prières ne sont pas répondues? Peut-être parce que je ne suis pas agréable à Dieu sans le savoir. Il faut qu'on examine ce qui est agréable au Seigneur. Examinez dès maintenant chaque domaine de vos vies. Vos choix, l'avez-vous fait avec le Seigneur, avec l'aval du Seigneur? Vos endroits où vous allez, ces gens que vous fréquentez, ce que vous entreprenez pour faire, est-ce que vous avez examiné avec le Seigneur? Si tel est ça, sa volonté, examinez cela. Examinez cela. On avance. Allons-y dans le livre des Romains. Je vous ai dit chapitre 12, n'est-ce pas? Je dis chapitre 14. Le chapitre 14, mettez le verset 18. On va prendre au chapitre 15 aussi. Que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment. Amen. Romains chapitre 12. Je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 1, chapitre 5, verset 1 à 9. Notez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 9. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 9. C'est le verset 9 qui nous intéresse également là-bas. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vraiment, je ne sais pas. Que Dieu bénisse la personne qui a posé cette question. Amen. N'est-ce pas le sujet important de la Bible que nous devons voir ici, frère? Amen. Ok. Maintenant, Romains chapitre 12. Comme il y a trois livres dans Romains, on finit ici, on va dans l'autre chapitre, d'accord? Pour qu'on soit, pour que je ne vous dérange pas trop. Il vous a donné aujourd'hui Colossiens chapitre 1, verset 10, et chapitre 3, verset 20. Ok, maintenant. Gardez que lorsque nous avons commencé, j'ai dit qu'il y avait une brèche entre le livre des Proverbes, là, le verset 12, puis le verset 15. Le verset 13 et 14 était une brèche, mais qui disait la même chose. En donnant les recommandations aux jeunes hommes d'être agréable à Dieu, de craindre Dieu, mais pas la si on touche directement l'enfant. Maintenant, ici, nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous allons lire les deux premiers versets seulement. Il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, quoi? Agréable à Dieu. Souligné. Vous avez les appareils, comme vous avez les Android, soulignés dans la rue du vois. Regardez bien. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on commence à avoir petit à petit à la lumière du Nouveau Testament que si le chrétien est sur la terre pour adorer Dieu, donc le culte raisonnable qu'il va faire pour être agréable à Dieu, offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint. Donc, vivre dans la sainteté. Sainteté. Vous savez cela, frère? C'est une. Si vous ne pouvez pas tourner autrement, vous allez aller à la Bible n'importe où, vous allez tourner sur autour de la sainteté que la Bible parle. Parce que jusqu'à venir restaurer la sainteté. On avance. Amen. Regarde verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quand votre intelligence est renouvelée, là vous pouvez discerner quelle est la 1. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne dois pas voir du mal à cela. Tu sors du monde. Tu dis que je porte mon jean, je porte mes matelots, ou matelots, c'est ma, vous appelez quoi? Avec ma culotte, avec tes cuisses noires. Puis je porte ça. Où est le mal à? Si ton esprit est renouvelé, ton intelligence est renouvelée, tu vas savoir que c'est mal. Tu dois savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas parfait. Si ton intelligence est renouvelée, tu vas voir maintenant que ce qui est fait maintenant, c'est bien, c'est agréable et c'est parfait. Deux fois dans ce verset, on parle de ce qui est agréable à Dieu. On avance. Chapitre 14. Le verset 18, ça commence bizarrement. Si vous regardez le chapitre 14, verset 18, ça commence bizarrement parce qu'en fait, c'est la suite de quelque chose qu'on va parler de la nourriture. Pourquoi tu juges celui qui mange? Celui qui mange, il mange pour le Seigneur, c'est la suite. Verset 18 directement. Verset 18 directement dit ceci. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc il y a une manière de servir Christ pour être agréable à Dieu. Vous y êtes frère. Amen. Gardez-vous à l'esprit que vous ne pouvez pas avancer avec Dieu, lui être agréable, d'abord si vous, vos cœurs vivent dans l'iniquité. Première chose, c'est qu'il faut que la fondation de la crainte de Dieu soit sur le cœur, c'est-à-dire que s'éloigner du mal. C'est pour ça que vous voyez dans ce livre de Jean, Jacques, chapitre 1, le verset 27, il dit « La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à 1. Assister quoi ? Les veuves et les orphelins dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. » C'est exactement ce qu'il a voulu penser. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas aller prêcher et ne devrez pas aller prêcher à quelqu'un alors que vous êtes dans le même état. Jamais. Dieu doit transformer, faire quelque chose en vous pour que vous allez maintenant raconter ce qu'il a fait pour vous. Il faut un déclenchement. Alors, regardez le chapitre 15. Chapitre 15. Vous y êtes? Je vous ai dit verset combien aujourd'hui? On n'a pas dit verset. Regardons maintenant. L'apôtre Paul, regardez, chapitre 15. Allons-y à partir du verset 7. Prenons le verset 16 seulement. Hein, pour le chapitre 15, verset 16 de Romains. Chapitre 15, verset 7, regardez. Allons-y. D'être bien sûr de Jésus-Christ parmi les païens, en quittant le vain service de l'évangile de Dieu. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Vous avez entendu cela? Allons-y encore une fois de plus. 1, 2, 3. D'être ministre de Jésus-Christ, parmi les païens, afin que les païens soient une offrande agréable et bien sanctifiée par l'Esprit Saint. Vous êtes là, que même les païens, le fait que tu prêches, l'apôtre Paul, le fait qu'il a été appelé comme ministre, il doit présenter, le fait qu'il prêche les païens, il vient comme cela, il dit que c'est quoi? Une offrande agréable à Dieu. Donc le simple fait de prêcher à quelqu'un pour que la personne soit transformée, par une offrande agréable à Dieu. Donc Dieu veut que cette personne-ci soit prêchée. C'est ce qu'il va réitérer dans 1 Timothée chapitre 2, dont je vous ai dit. Il dit que c'est là, il dit que je vais avant toute chose que vous compris pour les rois, pour tous ceux qui se levaient en dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Père qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est écrit là-bas. D'accord, mes frères? Amen. Maintenant, allons dans Colossiens. Je crois qu'on a fini avec Romains ici. Je vais donner aux Hébreux aujourd'hui. Ok, chapitre, prenons le chapitre 11 donc. Chapitre 11 des Hébreux. Notez dans votre Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. Versets 5 et 6. Ces choses-ci, ça se trouve dans la Bible. On ne doit pas négliger ces choses-ci. Vous devez chercher à être agréable à Dieu. La plus grande faute que quelqu'un chrétien doit faire, c'est de se comparer à une autre personne. C'est la plus grande déception. Ne vous comparez point à une autre personne. Ne comparez pas votre niveau de sainteté, ni votre niveau de quoi que ce soit standard à une autre personne. Vous allez, quelqu'un va dire que non, je suis dans le péché comme ça parce que c'est tel qui m'a fait tomber dans le péché. Il m'a influencé. Pourquoi lui t'a influencé? La Bible ne t'a pas influencé. Pourquoi toujours le mauvais que tu dois utiliser? La chair est faible. Tu sais que la chair est faible? Non, oui. La Bible déclare que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu sors de l'esprit est disposé, mais tu peux prendre la chair est faible. Avançons ici dans ce livre de. Je vous ai dit Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, n'est-ce pas? Notez également chapitre 12 de Hébreux. Chapitre 12, notez le verset 28. Vous y êtes. Vous avez noté Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6. Amen. D'abord, je dis le verset 6. Le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah, en fait, tout ce que je viens de dire, je viens de donner seulement le plaisir. Vous allez devoir aller construire votre vie autour de ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais dans la Bible des classes, si vous regardez le verset, on parle d'Enoch. Que Enoch, c'est par la foi que Enoch a été quoi? Enlevé parce qu'il marchait avec, après avoir marché avec Dieu. Parce que avant d'être enlevé, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ce qu'il écrit dans ces Hébreux chapitre 11. Le verset 5, là. Puis il dit maintenant, oh, sans la foi, il est impossible de être agréable. Donc, si vous ne croyez pas, oubliez tout ce que vous faites. Allez au champ, faites ce que vous allez faire. Dès le départ, s'il n'y a pas la foi, oubliez. C'est la base fondamentale. Si tu ne crois pas et que tu dis, tu essaies de faire, quitte là-bas. Tu t'es fait du mal à toi-même. On peut avancer. Mm-hmm. J'ai dit, avant de citer Hébreux, j'avais dit quel livre, là? Colossiens. Colossiens, chapitre 1, le verset 10. Colossiens, puis on va aller au chapitre 1. Que Dieu notre Père vous bénisse vraiment. Amen. Ok. Il vient dire donc à partir du verset 9, hein, je vous ai dit que en prenant plus haut. Verset 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Écoutez très attentivement. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc il prie que Seigneur, donne-le de comprendre ta volonté. Donne-le, il ne cessait de prier comme ça. L'apôtre Paul essaie de prier que, oh Seigneur, donne au Colossiens de comprendre ta volonté. Donne-le de comprendre ta volonté. Donne-le de comprendre ta volonté. Que vous soyez, qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Écoutez très attentivement. Si vous comprenez la volonté de Dieu, c'est l'une des pierres d'achoppement de l'église. C'est que le monde va comme ça, vous dans cette direction, vous allez vous tenir ferme exactement comme Dieu veut. Donc il dit ici, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable. Donc sans la connaissance du Seigneur, on ne peut pas lui être agréable. Parce que vous ne pouvez pas savoir si à quoi il vous attend. Vous y êtes frère, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Dans le chapitre 3 maintenant, ça va nous mettre au niveau de la brèche. Souvenez-vous, quand nous avons pris Proverbe, là, je vous ai dit qu'il y a une brèche là au milieu. Maintenant, regardez. Regardez. Chapitre 3 de Colossiens, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Donc, oui, effectivement, que pour les enfants. Dans le Proverbe, quand on a dit que il faut que tu fasses attention avec ton cœur, suivant on entend les enfants, que corrige l'enfant. Parce que si on ne corrige pas l'enfant, on a dit là-bas que le châtiment, le bâton, là, ne doit pas le tuer. Ça va lui faire du bien plutôt. Ça va délivrer son âme du séjour des morts. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas corrigé ne peut pas marcher d'une manière agréable avec le Seigneur. La Bible l'appelle le rebelle. Sa place est en enfer. Et donc la Bible déclare que l'enfant obéissez au Seigneur, à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. Et par conséquent, dans ce problème-là, la brèche était que il faut que vous marchiez donc dans la crainte et que vous enseignez la crainte aussi à vos enfants en les corrigeant pour qu'ils marchent dans la crainte. Parce que quand tu marches dans la folie, tu es exactement comme un enfant qui marche dans la folie. Donc Dieu a été corrigé. En retour, Dieu ne corrige pas ton enfant parce que Dieu fait te corriger ta folie pour que tu sois agréable. Corrige à ton tour ton enfant pour qu'il lui soit aussi agréable. Amen. Dieu dit que l'enfant, obéis à tes parents. Là, il est content. Vous voyez? Alors, c'est dans 1 Timothée chapitre 5. Puis, je vais citer maintenant le reste. On avance. Que notre Seigneur vous bénisse vraiment. 1 Timothée chapitre 5. Remarquez très attentivement, parlant des veuves, là l'apôtre Paul, avec sa plume à écrivant, subitement le Saint-Esprit commence à glisser sur la relation dont nous devons toucher maintenant entre les parents et les enfants. Ils disent, dans la jeunesse, ce que les parents doivent faire aux enfants, pourvu que quand ils vont vieillir, ce qu'ils vont faire en retour. On avance. Lisons le verset 4 directement. Qu'est-ce qu'il dit? 1, 2, 3. Si une veuve a des enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu de Dieu, car cela est agréable à Dieu. Vous entendez ça? Donc c'est agréable à Dieu que les enfants s'occupent de leurs parents lorsqu'ils sont vieux, ils rendent ce qu'ils ont appris d'eux. Et dans le programme, on avait dit que les parents corrigent les enfants pour qu'ils grandissent dans la crainte. Quand ils vont grandir maintenant, les enfants vont comprendre maintenant la crainte de Dieu. Maintenant, c'est que vous vous occupez de votre propre parent comme ils sont occupés de vous quand ils étaient jeunes. Vous avez vu ça? C'est agréable. Prenez les maisons. Maintenant, vous allez voir comment les pasteurs divisent des familles en disant que ta grand-mère, ta mère est sorcière, quitte ta mère parce qu'elle a vieilli. Cette femme-ci ne veut pas mourir. Elle meurt. Elle ne veut pas mourir comme ça parce qu'elle est sorcière. Vous entendez les choses comme ça? La Bible déclare que là, c'est agréable à Dieu. Donc, vous voulez être agréable à Dieu? Observez vos parents qui sont vieux, assistez-les. La Bible déclare que c'est. Si vous êtes enfant, obéissez à vos parents, c'est agréable à Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous entendez l'évangile, marchez selon ce qui est l'évangile. Vous êtes parmi les gens qui bavardent n'importe quoi, vociférez n'importe quoi, examinez ce qui est agréable au Seigneur, marchez-en. Vous y êtes? Amen. Maintenant, je vous ai donné Actes d'Apôtre chapitre 10, n'est-ce pas? Le verset 37 et 38 de l'apôtre Pierre se trouve chez Corneille. Quand il est devant l'assemblée, il dit que je sais qu'en toute nation, Dieu ne fait pas exception de personne et qu'en toute nation, tous ceux qui le craignent sont effets, ce qui lui est agréable, celui-là, il est avec eux. Ouvrons. Actes des Apôtres, chapitre 10. Puis, après Actes des Apôtres, on va prendre notre modèle exemplaire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on va finir là-bas, on va se lever, je vais lire le dernier passage, on va fermer et je vais prier pour vous. Actes des Apôtres. Frère, lis-nous à haute voix les versets 37 et 38. 34, 35. Ce qu'il dit aujourd'hui, il dit quoi? 34, 35, oui, allons-y. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais quand toute nation, il cherche les gens qui partent à l'église, c'est ce qu'il écrit là-bas. Quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous avez entendu? C'est le Nouveau Testament, ça pas vrai? Il a dit qu'en toute nation, celui qui le craint. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament, quand nous parlons en Proverbe, il a dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et nous, quand vous voyez la vie de Corneille, vous voyez effectivement qu'il craignait Dieu, pas vrai? N'est-ce pas? Et il pratiquait la justice. Il craignait juste, il évitait les péchés. Malgré qu'il était militaire, il n'utilisait pas son autorité pour faire l'autoritarisme. Il pratiquait la justice. Il dit qu'il est agréable. Vous voulez vous faire comme ça? Amen. C'est pas vous qui allez faire le faux dehors. Il y a des chrétiens avec quatre noms différents. Tu vois, un quartier, il a un nom. Votre quartier, il a un autre acte de naissance. Votre quartier, il a un autre acte de naissance. Les chrétiens, les pasteurs, avec des noms différents. Après, il dit que c'est Dieu qui a dit son nom, c'est faveur. L'autre dit que mon nom, c'est courage. Et il est le plus peureux. Maintenant, on peut avancer. Amen. Prenons le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 8. Les Juifs vont chercher à tuer le Seigneur Jésus. Il va dire, il se tient là debout. Il dit que je ne suis pas seul. Vous savez pourquoi il dit qu'il n'est pas seul? Il était confiant parce qu'il savait qui était avec lui. Verset 27. Je vous ai donné ça aujourd'hui, vous notez encore. Chapitre 8. Je vous ai déjà donné ça aujourd'hui. Vous avez noté, vous notez même trois fois. C'est ça. Qui a noté le verset 27 28 aujourd'hui? Donc tout le monde a noté sans lui. Allons-y. Verset 27. Il ne comprit point qu'il ait parlé du Père. Oui. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Oui. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Oui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Le Père ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Il avait promis dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et Jésus dit ici clairement que le Père ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas laissé seul, parce qu'il fait toujours ce qui lui est devant nous. Ne fermez pas, il n'a pas dit fermez la Bible, levons-nous. Ouvrez Hébreux. Ouvrez le livre d'Hébreux. Donc nous sommes d'accord que Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. Amen. Nous sommes d'accord que nous faisions fausse route parce que nous ne cherchons pas comment l'adorer. Amen. Nous voyons maintenant qu'il y a une brèche dans la Bible qui veut dire qu'il faut qu'on cherche à être agréable à Dieu. J'aurais souhaité lire, il y a beaucoup de passages que je vous ai donné là dont on n'a pas lu. Je vous ai donné 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 9, n'est-ce pas? On n'a pas lu. 2 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 à 5. On n'a pas lu. De toute façon, vous allez lire. Hébreux chapitre 13, vous avez vu? Tout le monde est dans Hébreux chapitre 13. Je veux qu'on lise de façon harmonique. De façon harmonique, c'est-à-dire que de façon claire. Si vous rentrez, vous rendez compte que quelqu'un lit plus que vous ralentissez, parce que vous soyez au même rythme. On y va. Nous allons lire le verset 21 seulement. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3, allons-y. Nous rendons capables de tout bonheur. Recommençons doucement. 1, 2, 3, allons-y. Vous rendez capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est ma prière pour vous. Amen. Dieu bénisse. Amen. Bonne soirée. Amen.